14-18, observation, le temps qui passe. C'est et jour ou saison. Il est et heure. C'est le 29 mai. C'est le printemps. C'est l'été. C'est le matin. C'est le soir. C'est lundi. Il est 10h50. Il est 11h10. Il est midi. Il est 3h. Il est 7h. Il est 8h.